Il y a Raymond Poirier qui est avec moi, je parle, puis il est là assis gentiment. Bonjour Raymond. Bonjour. T'es dans le rayon du soleil, là, c'est bien. On va parler ce matin du rapport de consultation produit par le gouvernement canadien sur le contenu culturel en ligne. Oui, en fait, c'est comme une grande réflexion qu'ils ont entamé un peu autour du 150e, donc ça devient un peu le prétexte de lancer différentes réflexions, mais évidemment, on imagine bien que cette réflexion-là sur la place du contenu canadien dans la sphère numérique, c'est une réflexion qui est attendue, qui est déjà amorcée depuis quand même quelques temps. Et ici, c'est une nouvelle étape dans cette large réflexion qui est faite dans tant les milieux publics, parapublics, artistiques, la recherche et le reste. Donc, c'est un sondage qui a été mené auprès d'un côté d'acteurs culturels et d'autres de citoyens, citoyennes, de Canadiens, Canadiennes. On parle d'à peu près, 235 personnes qui ont été rencontrées en ligne, à peu près 1300 personnes qui ont participé à la consultation via une plateforme en ligne et également des gens qui ont été sollicités sur les médias sociaux, donc à peu près un peu moins de 4000 personnes. Et pour essayer de voir justement comment le Canada devrait positionner son contenu, devrait se positionner face à cette nouvelle donne, parce que je pense qu'on en parle quand même assez régulièrement, le numérique et les possibilités médiatiques liées au numérique changent quand même radicalement les moyens de diffuser la culture, les moyens de consommer la culture. Et évidemment, la question, c'est de voir maintenant, dans un contexte de financement de la culture, dans les programmes de subvention, dans les outils qui sont mis à la disposition des créateurs, créatrices, comment on peut s'adapter justement à cette nouvelle donne-là? Est-ce qu'on en fait suffisamment? Est-ce qu'il faudrait faire différemment? Oui, je lisais hier, et là, écoute, ça devait pas être avant-hier, c'était dimanche, mais en tout cas, c'était difficile aussi là pour les diffuseurs, pour les producteurs et tout, d'obtenir des informations, d'obtenir des données sur Internet, parce que ça appartient à des entreprises privées, souvent ces données-là. Je pense au streaming, par exemple, les habitudes d'écoute. Et même plus, en fait, sur l'idée du streaming et de ces habitudes d'écoute-là, c'est qu'on a remarqué une tendance où les gens affectent leurs revenus culturels au web. Ouais. Donc, dans la mesure où, pour beaucoup de gens, le fait d'avoir une connexion Internet, ça fait partie du budget culturel, ça fait partie du budget de loisirs, parce qu'à travers l'investissement qu'on fait, mettons, le 50-60$ qu'on paye mensuellement pour avoir Internet, plus le 10$ qu'on paye pour avoir Netflix, plus un montant supplémentaire pour avoir tel autre service d'abonnement, ça augmente rapidement. Et donc, les gens ont fait tranquillement le remplacement des billets de cinéma, des billets de théâtre, des sorties, en disant, j'ai Internet maintenant, c'est là que je vais consommer ma culture et mon divertissement. Alors, donc déjà même dans l'économie de la consommation culturelle, il y a déjà aussi un gros changement de ce côté-là. Alors, de quelle manière aussi on peut, d'un côté, dire, c'est là que les gens vont pour consommer de la culture. Donc, il faut s'assurer qu'il y a des contenus canadiens qui sont facilement trouvables, localisables dans cette masse d'éléments. Oui, c'est ça, c'est dans le localisable que ça commence à être difficile. Parce qu'il y a énormément de choses. Ouais. Puis, parallèlement, comment aussi expliquer aux gens que c'est pas nécessairement non plus la seule façon aujourd'hui de consommer de la culture. Dans un contexte aussi, et le rapport le mentionne, où ce qu'on va trouver sur l'Internet et ce qu'on va associer à la culture, c'est pas nécessairement non plus ce que les programmes de financement, ce que les organismes comme le Conseil des arts du Canada, considère comme de la culture. Donc, il y a des éléments de design, il y a toute la tendance des YouTubers. Pour certains, c'est une forme de culture, c'est une présence canadienne. Ouais, après ça nous pose est-ce qu'on devrait redéfinir la culture en fonction du web? Exactement. C'est une grosse question. C'est une énorme question. Et la question, elle est lancée un peu par des gens dans ce rapport-là, par certains répondants qui ont dit, il faudrait élargir peut-être la notion de culture. Évidemment, en gardant un barème clair, on s'entend. Mais comme, dans le fond, on demande à certains des manières de distribuer leurs produits culturels, de diffuser leurs produits dans un contexte plus traditionnel, c'est un peu ce qui est comptabilisé, entre guillemets, mais de quelle manière on peut maintenant adapter ça au web, considérer que le web est, dans le fond, un outil de diffusion qui est légal d'autres, voire peut-être même propice à favoriser plus avant le développement, la diffusion de cette culture-là. Donc, il y a un peu cette réflexion-là. Et dans un contexte où, si on pousse encore un peu plus loin la réflexion, les gens se sont carrément demandé et ont soulevé la question. Et une des conclusions du rapport, c'est de dire, faudrait le définir. C'est quoi du contenu canadien? Ah oui, ça aussi encore, parce que le web, c'est international. Oui, et dans le fond, un contenu canadien, est-ce que c'est un contenu qui est produit par un Canadien? Est-ce que c'est un contenu qui a un caractère canadien? Parce que entre, dans le fond, le YouTuber qui parle de jeux vidéo au Canada ou l'artiste qui produit un jeu en ligne, justement, qui pourrait être considéré dans cette nouvelle définition de culture ou qui diffuse une musique en ligne, ben est-ce que cette musique-là, le fait qu'elle est produite par un Canadien est suffisant pour dire qu'elle est canadienne? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui pourraient nous amener à mieux préciser, ou selon certains cadres disciplinaires, ben est-ce qu'il y a des arts qui sont plus canadiens que d'autres, il y a des arts qui sont de facto canadiens, il y a d'autres moyens de s'exprimer qui ne le sont pas nécessairement. Alors, c'est quand même aussi une bonne définition à faire dans ce donc, cadre-là. Donc, le rapport conclut sur une ouverture en disant qu'on a beaucoup de travail à faire sur des définitions, le contenu, qu'est-ce que c'est, et puis comment subventionner tout ça, par quel bout prendre ça. Et est-ce qu'on arrive à des pistes de solutions dans le rapport? Ou surtout des questions. Surtout des questions, parce qu'en plus, à ces questions des définitions-là, on arrive aussi au cadre législatif. Les lois, en lien avec les droits d'auteur, par exemple, des artistes, sont pas du tout adaptés au contenu numérique. Et on le voit même, en fait, on en parlait à Rideau il y a quelques semaines de ça. Aussi, les diffuseurs se questionnent. Si j'enregistre mon œuvre et je la diffuse sur le web, pour l'instant, il y a rien, nulle part où c'est écrit qu'il faut que, par exemple, je donne un cachet supplémentaire ou des droits de suite à mes comédiens, comédiennes, à mes artistes. Oui. Donc, c'est pas couvert, c'est pas considéré. Donc, ça devient une série d'ententes à la pièce qui sont prises par différents diffuseurs, producteurs et le reste. C'est valide pour les arts de la scène, pour la musique, pour à peu près n'importe quelle discipline. Dans un contexte où, de plus en plus, si on produit un contenu, on va avoir envie de le diffuser pour aller rejoindre plus de gens, comme on disait tout à l'heure. Ouais. Alors, donc, il y a cette question-là. Parallèlement, ben, aussi, il y a les questions de législation médiatique, parce que il y a des gens qui disent, ben regardez, on a des médias télévisuels, radiophoniques, papier, auxquels on impose beaucoup de règles quand même. Donc, pour ces médias-là, il y a un cadre législatif important, en lien entre autres avec le CRTC, les barèmes et le reste. Tandis que sur Internet, ben c'est complètement c'est moins, libre. Moins réglementé, sinon pas, mal, pas du pas tout. Du tout réglementé. Pas du tout réglementé. En même temps, ouais. C'est difficile de réglementer l'Internet parce que si on tombe dans une législation internationale, c'est la zone de gris actuellement. Mais comment on fait, dans le fond, pour équiper, d'un point de vue législatif, nos diffuseurs, ici, pour pouvoir leur permettre de compétitionner avec le contenu en ligne qui est beaucoup moins réglementé? Est-ce qu'il faut réglementer plus le contenu en ligne, déréglementer les diffuseurs? Dans ce contexte-là, il y a aussi Radio-Canada, où on dit, ben, est-ce que le diffuseur public, lui, devrait être pressé de mettre de l'avant les contenus culturels régionaux, un peu à la limite dans l'esprit de ce que Télé-Québec fait avec la Fabrique culturelle. Ouais. C'est un exemple qui aurait pu être cité dans un rapport comme ça. Ben, dire, ben, parce comment... qu'il y a tout point TV, mais qui diffuse des émissions en général. Oui. Là, c'est... Mais là, est-ce qu'on peut aller en région? Est-ce qu'on peut diffuser des nouvelles locales, la culture régionale, etc., pour permettre aussi à cette culture-là, de prendre corps sur Internet. Parce que l'autre grande question, c'est aussi justement dans la masse d'éléments internationaux, ben, est-ce qu'il y a suffisamment de contenu canadien? Et si on juge qu'il n'y a pas suffisamment de contenu canadien, peu importe la définition qu'on lui donnera, est-ce qu'on est en mesure de financer ce contenu-là? Mais sachant que c'est difficile de mesurer tout ça, parce que je pense, par exemple, à Spotify, est-ce que le gouvernement canadien qui subventionne a accès à ces données-là pour dire, bon, ben, tel artiste, on pourrait... à l'étranger fonctionne bien. Est-ce qu'on a accès à ces données-là? C'est la question aussi. Ben, tranquillement, il y a des données. Spotify, par exemple, par ville, ils font des palmarès des chansons les plus écoutées sur Spotify dans certaines villes. Je pense pour Montréal, c'était Jonathan Roy qui arrivait en tête. Là. Okay, ben. Mais dans le fond, il y a cette question-là, la question des médiums, de l'impact. Et parallèlement, il y a la question du financement. Parce que dans le fond, si on prend pour acquis que les programmes de financement présentement financent l'offre actuelle, ben, si on développe une nouvelle offre, est-ce qu'il faut enlever à un pour habiller l'autre, ou est-ce qu'il faut développer des nouveaux modes de financement? Si on développe des nouveaux modes de financement, ben, à qui faut-il solliciter? Est-ce qu'on peut inciter le privé à participer plus? Est-ce qu'il faut trouver une façon pour montrer que le fait de mettre la culture canadienne sur le web, ça a un impact socio-économique, ne serait-ce que pour l'industrie touristique, ne serait-ce que pour le développement de l'industrie créative? Donc, c'est une pléiade de questions comme ça qui est lancée. C'est un rapport d'à peu près 60 pages, là. Et c'est vraiment, ça, l'une n'attend pas l'autre, comme on dit, là. Bon, ben, on verra dans un an s'il y aura des questions auxquelles on aurait répondu. Ce rapport-là, j'imagine qu'il est disponible en ligne, Raymond? Oui, il est disponible en ligne. En fait, on peut le trouver assez facilement sur le site de Patrimoine Canada, ou sinon en cherchant contenu culturel numérique canadien et rapport, dans le fond, devrait être en mesure de le localiser assez rapidement. Avec quelques mots-clés. Oui. Merci beaucoup, Raymond Poirier. C'était fort intéressant. C'est vrai que ça soulève beaucoup de questions.